La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, jeudi, dernier moment de notre série consacrée à l'écrivain Emmanuel Carrère. Une émission rendue possible par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Genepin, Laurence Millet, Laurent Travaglichanal et Yanis Djoudad. Il est le fils de l'académicienne Hélène Carrère-Dancausse, mais également le petit-fils de Georges Sourabichvili, un intellectuel géorgien parti pour la France et pour qui cette émigration sera le début d'un fort déclassement social. Ce grand-père qui disparaîtra, assassiné à la Libération alors qu'il avait collaboré avec les Allemands, comme Emmanuel Carrère l'a raconté dans son roman russe et comme nous l'a raconté également Angie David dans notre émission de lundi dernier, à laquelle participait également Christophe Reg. Auteur de nombreux livres à dominante autobiographique, travaillant également pour le cinéma et pour la télévision, Emmanuel Carrère a trouvé sa voie avec son roman L'Adversaire, à partir duquel il a fait entrer le réel dans ses histoires. Laurent Demanze nous en a parlé mardi, ainsi que du rapport de l'écrivain justement à l'autobiographie. Enfin, hier, nous avons creusé le sillon russe, à la fois chez l'homme et chez l'auteur, grâce à Nathalie Frolov qui nous a parlé de Limonov et surtout d'un roman russe. Toutes ces émissions sont bien entendu à retrouver en podcast. Et aujourd'hui, eh bien aujourd'hui, pour parler du dernier livre d'Emmanuel Carrère, Le Royaume, et plus largement pour évoquer le rapport de l'écrivain avec la religion, je recevrai en seconde partie de cette émission, après la chronique d'Aliette Armel, le professeur en littérature à l'université Paris-Sorbonne, Alain Romestin. Et en première partie, nous sommes en compagnie de Frédéric Boyer, écrivain et directeur de POL, après avoir été longtemps éditeur chez Bayard, où il avait co-dirigé avec Marc Sévin une nouvelle traduction de la Bible par différents écrivains contemporains, parmi lesquels, eh bien, devinez qui, Emmanuel Carrère. Il en parlait d'ailleurs, Emmanuel Carrère, à Olivier Germain-Thomas, dans cette archive qui date de 2002. Travailler de très près, dans cette espèce de proximité de ce qu'on appelle les écritures, c'est une expérience tout à fait exceptionnelle et alors là, je suis bien obligé de dire que c'est autre chose qu'une expérience purement littéraire. Et là, je ne sais pas très bien en quoi, parce que moi, j'ai vraiment eu constamment le sentiment d'être exposé à une espèce de radiation. Que le texte de Marc, ce texte finalement court qui tient en 30 feuillets, écrit dans une espèce de grec raboteux, mal fichu, en plus, cette histoire qu'on connaît par cœur, etc., n'empêche qu'il y a, je vous dis, comme une espèce de noyau radioactif auquel on est, je me suis trouvé exposé pendant 2 ans, et je ne sais pas ce qui change quand on est exposé pendant 2 ans à ça, mais il y a quelque chose qui change. Et alors, évidemment, intellectuellement, c'est aussi très troublant, parce que, vous comprenez, si vous êtes croyant, à ce moment-là, que ça fasse cette espèce d'effet totalement extraterrestre, n'a somme toute rien que de tout à fait naturel. À partir du moment où vous n'êtes pas croyant, où vous ne rejetez, ou en tout cas n'acceptez pas cette hypothèse surnaturelle, l'effet proprement surnaturel que fait l'écriture est beaucoup plus troublant. Bonjour Frédéric Boyer. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Emmanuel Carrère aujourd'hui ne se dit plus croyant, même s'il a eu une phase mystique durant quelques mois, mais il ne se dit pas non plus athée. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'avoir avec lui des conversations sur ce sujet-là? À l'époque, on discutait de ça, en gros, c'est ce qu'il vient de dire. Mais par rapport à ça, ce qui est troublant, finalement, dans cet itinéraire croisé, son propre itinéraire de romancier, d'écrivain, et cette histoire de traduction de la Bible, et son histoire personnelle autour de la question de la foi ou non qu'il expose en partie dans le royaume. D'abord, avant le royaume, c'est l'adversaire, voilà, puisque à cette époque, il est en train d'écrire l'adversaire. En tout cas, il est en train de s'intéresser à cette histoire. est en train de mettre en place ce roman. Donc il y a un fond chrétien dans l'adversaire, ou un fond titre, religieux? Non, mais le titre vient de la traduction de la Bible, dans Marc, vient de la traduction littérale de Satanas, qui veut dire celui qui s'oppose, qui veut dire l'adversaire. Ouais. Et dans la traduction d'Emmanuel Carrère et de Hugues Cousin, l'exégète de leur traduction de Marc, donc ouais, de l'évangile de Marc, décide de traduire Satanas par l'adversaire. On reviendra d'ailleurs sur cette question de la traduction des mots qui est très, très intéressante. Et c'est important, je crois, parce que c'est cette histoire, terrifiante de meurtre familial, de mensonge, etc., et de culpabilité. C'est dans cette histoire-là qui touche la vie d'Emmanuel Carrère. Hein, rappelez-vous l'incipit de l'adversaire. Hein, c'est tout de suite sa propre vie qui est mise en parallèle et dramatisé avec l'assassinat, je crois, des enfants et de la femme. Qui se passe le même jour. Voilà, qui se passe le même jour, quasiment à la même heure, où lui amène ses enfants à l'école. Voilà, ça c'est l'incipit de l'adversaire. Et donc la question, effectivement, du rapport à quelque chose de l'ordre de ce qu'il appelle tout à l'heure le surnaturel, ou la foi, ou l'invisible, c'est au cœur de l'adversaire, déjà. Mmh. Voilà. Moi, je crois beaucoup. C'est d'abord parce que c'est la confrontation avec une figure du mal, et c'est bon. Et donc, à cette époque, effectivement, Emmanuel Carrère est en train d'essayer de traduire l'évangile de Marc. Donc, c'est Satan, alors, Jean-Claude Roman? C'est pas Satan, Jean-Claude Roman, mais l'écrivain Emmanuel Carrère, il va tourne autour de cette question quand même. En tout cas, il met en scène cette question. Finalement, avec le recul, c'est pas rien d'appeler ce roman l'adversaire. C'est pas rien. Alors, les gens l'entendent pas forcément, mais quand on entend ça, quand on le replace dans cette situation où effectivement le titre l'adversaire lui vient de ce travail de traduction autour de la question de Satan, évidemment, ça donne une autre ampleur. Enfin. Où est-ce que vous le voyez d'autre, Frédéric Boyer, dans d'autres livres d'Emmanuel Carrère, à part évidemment Le Royaume, ce rapport à la religion ou à la chrétienté d'ailleurs? Avant l'adversaire, je suis pas un exégète de toute son œuvre, donc je ne sais pas, mais peut-être avant l'adversaire, je vois pas tellement d'autres références directes. Après. Dans un roman russe, dans Limonov, il y a un questionnement autour de la religion, soit du monde orthodoxe, mais il n'en fait pas un sujet véritablement. Hein, c'est pas son. Ça va. Alors, effectivement, il va progressivement. Quelque chose qui l'a habité, puisque à un moment donné, il décide donc d'écrire ce livre, Le Royaume. Mais vous parliez tout à l'heure de la culpabilité. Qui est en effet un thème chrétien partie. Et qui est un thème qui traverse pas mal son écriture, effectivement. Par exemple, il y a la culpabilité dans l'adversaire de s'intéresser à une forme de Satan, mais il y a aussi la culpabilité, bien après l'adversaire, de ne pas avoir tourné la page du rapport fasciné qu'il peut avoir avec des personnages un peu sataniques, parce que Limonov, c'est aussi un personnage satanique, puisqu'il participe en Yougoslavie à la guerre, qu'il tire avec plaisir. Il y a cette scène assez terrible où on le voit justement tirer sur la ville de Sarajevo. Donc cette culpabilité là, elle est très présente. Oui, bien sûr. C'est un thème. Il y a le thème de la culpabilité, effectivement. Mais plus intéressant, presque, c'est ce que vous venez d'évoquer. C'est ce rapport de fascination. Enfin, je sais pas si c'est le mot fascination, mais d'intérêt, d'attachement aux figures de la transgression, du mal, de la méchanceté, de la violence aussi, et une espèce d'attachement à ces figures-là, parce qu'il y a un intérêt à s'attacher à ces figures-là. Et progressivement, ce qu'il essaye de dire, c'est-à-dire il faudrait enfin arriver à s'intéresser aux figures du bien. C'est ce qu'il dit. Je dis rapidement, là, c'est ce qui va mettre en scène dans d'autres vies que la mienne, presque comme un espèce de soulagement. Vous voulez dire, enfin, j'arrive à parler de quelqu'un d'autre que de moi, d'une certaine façon. Que de moi et de quelqu'un de, entre guillemets, de bien, de quelqu'un qui est dans l'intérêt aux autres, dans l'altruisme, dans la. D'ailleurs, ce titre, d'autres vies que la mienne, qu'en pensez-vous? Oh, c'est un beau titre. Non, c'est, c'est un beau titre, c'est un titre qui dit quelque chose effectivement de son rapport à tout ça, hein, de justement le royaume va montrer que c'est plus compliqué que ça, voilà. Et puisque le titre de cette émission c'était je crois l'indécidable. C'était l'indécidable, virgule notre exil. C'est pour moi une des grandes forces d'Emmanuel Carrère en tant que narrateur, voilà, c'est d'installer une énonciation qui est dans l'indécidable, effectivement, éthique. Et d'une certaine façon, c'est peut-être là où il touche quelque chose de plus fort du côté, si on voulait parler de ça, d'une écriture chrétienne, même s'il n'y a pas d'écriture chrétienne, mais c'est là-dedans qu'il est le plus intéressant. Voilà. C'est dans l'indécidable éthique par rapport, effectivement, au mal, à la violence, au bien. Donc dans le pardon, alors, parce que non, il est forcément capable de comprendre, oui, en tous les cas. Il essaye de comprendre. Ces personnages qui sont parfois des monstres. Oui, non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de là où il écrit. C'est l'énonciation narrative de ses romans. Voilà, effectivement. Effectivement, le narrateur est dans une position éthique indécidable. Effectivement. Et c'est cette position-là qui permet une œuvre aussi intéressante, aussi intrigante, et qui permet effectivement de traverser des figures ambivalentes. J'ai quand même commencé à travailler de façon soutenue à un livre sur les tout débuts du christianisme sans faire le rapprochement, sans repenser au fait que moi-même, pendant 20 ans, il y a 20 ans, ouais, pendant environ 3 ans, j'ai cette histoire qui m'intéresse tant aujourd'hui, j'y ai cru, ou j'ai voulu y croire, de façon très... non seulement fervente et même dévote, mais même très dogmatique, c'est-à-dire vraiment en voulant croire absolument à tous les enseignements de l'Église, y compris quand il révoltait ma raison, et quand il révoltait ma raison, je me disais raison de plus pour les croire. Justement, c'est une espèce d'épreuve, c'est ça qui m'est demandé, c'est à cela que se mesure la valeur de ma foi. Je pense vraiment que cette foi, à ce moment-là, était celle d'un jeune homme, du moins d'un homme jeune qui était vraiment malheureux, qui était dans une période de crise de sa vie, et qui illustre absolument toutes les idées qu'on peut, vous voyez, freudiennes ou autres, selon laquelle la foi est purement un mécanisme de consolation, de compensation, une façon de se rendre intéressant à soi-même et de donner un sens à sa vie quand elle vous en paraît dépouillée. Et je pense honnêtement que la foi ne se résume pas à ça. Même sans être croyant, je connais, et on a devant les yeux, beaucoup de croyants ou de chrétiens qui offrent de la foi une image beaucoup plus rayonnante, beaucoup moins repliée, beaucoup moins dogmatique. Entretien avec Patrick Cohen en septembre 2014 au sujet du royaume. Emmanuel Carrère a donc cru en Dieu, il a même été un vrai pratiquant qui allait à la messe de Saint-Séverin à Paris tous les jours, il le raconte dans Le Royaume. C'était même peut-être un illuminé, Frédéric Boyer, parce qu'il annonçait à sa psychanalyste à l'époque qu'il était sur le point ou qu'il venait de rencontrer le Christ, donc ça allait très loin tout de même. Oui, apparemment, oui. Oh, mais je sais pas comment dire ça. D'abord, il en parlait très peu. Moi, j'ai juste un souvenir à cette époque de la traduction de la Bible. Effectivement, il était extrêmement malheureux, dans une dépression très très lourde, et où quand on allait boire un verre après avoir travaillé, il pleurait et il confiait son malheur. Voilà. Et alors après, moi, il ne m'a jamais confié son trouble et son attirance pour la foi, et tel qu'il le raconte là dans une espèce de mysticisme un peu automatique là, où même on demande, ou même l'épreuve de la foi et l'épreuve demandée pour passer au feu de quelque chose, voilà. Bon, c'est à la fois très beau, à la fois très c'est presque drôle avec le recul. Lui-même a un regard sur cette période assez embarrassée. Oui, tout à fait. Alors après, ce qu'il va faire de ça dans son livre, hein, ce que je peux dire, parce que personne n'en a vraiment jamais parlé quand on a parlé du royaume, parce que c'est un détail, mais comme c'est un détail qui qui m'intéresse, puisque j'y ai été mêlé, c'est le texte de la traduction de la Bible, il y revient dans le royaume, mmh, d'une façon extrêmement légère, et presque, je peux lui dire là aujourd'hui à la radio, à Emmanuel, presque, si tu nous écoutes. Ah, si tu nous écoutes, Emmanuel, c'était, il y revient d'une façon qui est un peu trop légère à mon sens, mais ça, c'est par exemple c'est en contradiction avec ce qu'on a entendu tout à l'heure où il était pénétré de l'intérêt du travail et là quand il en reparle hein, il dit mais pourquoi Frédéric Boyer n'a pas pris des auteurs comme Houellebecq ou Amélie Nothomb, Marc Lévy et je sais pas qui mais c'est vrai pourquoi bon, bah, pourquoi pas ben d'abord pourquoi parce qu'on pouvait pas prendre tous les écrivains qu'on aurait aimé prendre et il a fait un certain nombre. Après, moi, j'ai voulu, enfin, on était plusieurs, on a voulu intéresser des écrivains à ce travail de traduction des écritures. On a voulu intéresser des écrivains qui, pour nous, pour moi, étaient des écrivains qui avaient un rapport justement au travail de la forme qui était intéressant. Donc, et moi, je trouvais que lui, effectivement, dans son rapport à la narration, à l'art de la narration, qui, à mon avis, c'est un des plus grand narrateur de langue française depuis plusieurs années. Mmh. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Son œuvre, c'est ce que je disais. Il a une position dans le récit qui est unique hein, en France. Et il est capable de je veux pas dire de choses trop grandiloquentes, mais c'est proche de quelqu'un comme Henry James pour moi. Voilà, c'est quelqu'un qui a un art du récit qui est pour moi, aujourd'hui, en France, inégalé pour l'instant. Voilà. Et c'était intéressant de le faire travailler, par exemple, sur la traduction, effectivement, d'un évangile. Voilà. Mm-hmm. Donc ça, c'était en 2001, en septembre. Enfin, c'était avant, parce 2001. On a travaillé... Enfin, la parution, oui, c'était voilà, en 2001. Mais sinon, on a travaillé pendant 6 ans avant, voilà. Ouais. Et il n'a pas osé vous expliquer, quand vous l'avez rencontré pour lui parler de ça, il n'a pas osé vous expliquer qu'il avait déjà traduit un évangile, non, mais seulement pour lui-même. Non, effectivement. Donc vous avez eu du flair quand même. Je ne sais pas si c'est du flair, mais effectivement, il ne l'a pas dit. Et autant que je me souvienne, il a travaillé d'une façon comme beaucoup des écrivains, d'ailleurs. Il a travaillé avec beaucoup d'assiduité. Et il était effectivement, je pense que quelque chose... C'est noué vraiment, enfin ça je le pense pas, je le sais, avec l'exégète, Hugues Cousin, avec qui il a travaillé. D'ailleurs ça s'est souvent passé comme ça dans ses binômes, ça a été une aventure de parfois 3, 4, parfois 6 ans, où il se voyait quasiment toutes les semaines pour travailler sur la traduction. Mmh. Il dit, Emmanuel Carrère, justement dans ce livre « Le Royaume », qu'on peut plus facilement faire des confidences sexuelles ou pornographiques à autrui que de parler de Dieu. Sauf peut-être avec cette exégète avec pas, qui il a travaillé. Exégète. Peut-être pas, peut-être qu'il lui parlait aussi. Non. Oui, bah, je pense qu'il a pas tort, effectivement. Tout le monde sait l'embarras que l'on a quand quelqu'un vous dit, je suis croyant, je vais à la messe tous les dimanches, ou je sais pas quoi, ou je fais ma confession une fois par mois. On est toujours un peu embarrassé. On se dit, oulala, on est embarrassé parce qu'on reçoit quelque chose, on ne sait pas quoi dire en recevant ça si on n'est pas nous-mêmes engagés dans cette démarche-là. C'est toujours très, voilà. Ouais. Alors, votre idée avec cette traduction de la Bible, Frédéric Boyer, c'était de dire aussi que la Bible, c'était une œuvre de littérature, et c'est pour ça que vous avez demandé à des écrivains de la retraduire. Il y avait François Bon, Jean Echenoz, Valère Novarina, Florence Delay, Marianne Dia, il y en avait encore beaucoup d'autres. Et qu'est-ce qui vous a fait penser à ajouter à ce moment-là Emmanuel Carrère parmi les écrivains? Non, mais d'abord parce que c'est une histoire aussi d'amitié. Moi, la plupart des écrivains, c'était des amis, des gens que je connaissais. Et Emmanuel, à l'époque, on était, on peut le dire, assez proches. Voilà, on était publiés par le même éditeur, on se rencontrait, on se connaissait, on s'appréciait, je crois, en fait. Et voilà, et donc j'en ai parlé autour de moi à des gens comme ça, et lui, il a tout de suite été emballé, voilà. Il m'a tout de suite dit, alors peut-être parce qu'effectivement, ce que je ne savais pas, il avait déjà traduit peut-être toute la Bible. Et donc il m'a tout de suite dit, bah oui, bien sûr, et on a commencé à travailler, voilà, ensemble. Ça a été un des premiers à travailler. Donc il y avait deux idées qui présidaient à cette traduction. Moi, je vais vous dire, non, l'idée, parce qu'on dit beaucoup de bêtises maintenant sur cette traduction, donc je vais le dire, d'abord, la Bible a toujours été traduite, et le grand enjeu de la Bible en français, ça a été la littérature française. Voilà. À partir du 15e et 16e siècle, la Bible est traduite en français de façon très massive. En tout cas, il y a au moins 4-5 traductions en français qui sont mises en chantier à partir de la fin du 15e siècle. Et c'est... c'est Et Et bien sûr que la Bible a toujours été reçue dans les langues qu'il a transmettées, et que tout ce qu'on, en tout cas, l'idée de cette traduction était de montrer que de toute façon un texte comme celui-ci devait être reçu dans les façons d'écrire de la poésie, d'écrire du récit, du roman, dans ces façons contemporaines de recevoir le texte biblique. Voilà, il n'y a pas de traduction définitive de la Bible comme d'aucun texte d'ailleurs, mais il faut toujours se dire que la Bible n'existe que d'avoir été traduite et reçue dans des langues et des cultures différentes. Notre rapport à la Bible a été façonné par la traduction en grec de la Torah hébraïque, par ensuite le gros travail en langue latine de la réception biblique, et dans les langues dites vernaculaires, c'est-à-dire les langues que l'on parlait à partir du XVe siècle dans toute l'Europe, et notamment le français. Et des écrivains comme Dubélé, comme Clément Marot vont, entre autres, mais d'autres moins connus, vont réclamer effectivement que les textes bibliques et d'autres que les textes de l'Antiquité en général passent dans cette langue vernaculaire que parlaient, comme on disait à l'époque, les simples et les idiots, c'est-à-dire ceux qui ne parlaient pas les langues savantes. D'où ce besoin de réactualiser en permanence le vocabulaire. On en parlait au début de l'émission, des mots. Comment traduire, par exemple, aujourd'hui, le mot évangile? Vous vous êtes posé la question avec Emmanuel Carrère. Il y avait cette idée que finalement, évangile, ça désignait pour le grand public un genre littéraire. Ce que dit Emmanuel Carrère dans son roman Le Royaume, alors que c'est pas ça l'évangile, c'est, alors comment le traduire, la bonne nouvelle. Emmanuel Carrère avait même pensé à heureux message. Même chose quand repense à cette possibilité de traduction, il en a aujourd'hui un petit peu honte. C'est ça. Oui, mais parce qu'après c'est jusqu'où on va, et effectivement dans une espèce de redécouverte du littéralisme. Alors il y a, parfois c'est au contraire en retraduisant les mots, on redonne du sens et en quelque sorte on redonne un dynamisme même à la réception des concepts que le mot peut véhiculer. Puis d'autres fois effectivement on tombe à plat et on devient ridicule. Donc évangile, ça reste évangile alors ? Évangile, c'est resté évangile parce que bon, effectivement, bonne nouvelle. Alors, en fait, c'est très intéressant parce que pourquoi c'est resté évangile? Parce que bonne nouvelle, c'est ce qu'on appelle de la langue cuite chrétienne. Si vous allez à une assemblée, langue de catéchisme, voilà, un catéchisme, on vous raconte pas de la bonne nouvelle et on en peut plus de la bonne nouvelle. Donc finalement, et alors message heureux ou message de bonheur, n'en parlerons pas. C'est guère mieux. Donc c'est très étrange parce que finalement on raisonne en fonction aussi de la réception et des usages. Voilà. Donc là on a voulu garder évangile. Après, je tiens à dire que le mot évangile n'est pas un mot chrétien à l'origine. Hein. C'est un mot très important dans on le trouve chez Homère dans l'Odyssée. Hein. C'était donc le messager qui venait annoncer au roi qu'il avait gagné la guerre ou une naissance heureuse. Donc c'était quelque chose de très important dans la culture de l'Antiquité. On a l'impression qu'Emmanuel Carrère, c'est d'abord un écrivain de la narration. Vous avez dit tout à l'heure que pour vous, c'était un des plus grands dans ce domaine. Oui, oui. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est peut-être aussi ce qui se voit moins, un écrivain du mot choisi. Oui, aussi. En tout cas, je pense que si, quand on lit ces romans, on le sent. C'est il a un rapport. Je sais pas. Il a pas un rapport aux mots comme certains poètes ou comme certains. Mais il a un rapport aux mots effectivement dans la précision de la relation des mots aux autres. Enfin, dans l'énonciation même. C'est aussi quelqu'un qui est capable de mettre en scène des dialogues et des réparties, non pas comme un scénariste, mais effectivement, voilà, pour montrer parce qu'on n'est pas plus dans le rythme que dans le mot lui-même. Oui, on est dans le rythme, et on est dans l'inscription des mots et dans une énonciation avec les uns et les autres. C'est un écrivain aussi de l'altérité, beaucoup, enfin du rapport à l'autre, quoi, beaucoup. Oui, des autres vies que la sienne. Oui. Luc, lui, est une figure beaucoup plus mineure. C'est un portraitiste, c'est un chroniqueur, c'est un homme qui a essayé de raconter l'histoire. Et avec quel succès ? Oui, avec quel succès ? Et c'est aussi le seul des quatre évangélistes qui dit très explicitement dans le prologue de son évangile qu'il essaye de faire œuvre d'historien, d'enquêteur. Il dit vraiment, il s'adresse non pas à des membres de la secte, mais plutôt à des gens de l'extérieur, à des païens curieux, de bonne volonté, que cette histoire intéresse, qui n'en savent pas grand-chose. Et il dit, j'ai rassemblé le maximum d'informations les plus fiables, j'ai coupé, recoupé, enquêté, et j'ai pour ma part essayé d'imaginer ce qu'a pu être cette enquête. Historien. Une marge d'incertitude. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, certainement. Quand Luc dit qu'il a enquêté, je vois aucune raison de pas le croire. Et il est même tout à fait possible, plausible même, qu'il se soit trouvé sur les lieux, c'est-à-dire en Judée, environ une trentaine d'années après les faits, qu'il ait même pu rencontrer des gens qui avaient connu Jésus. Rien de tout ça n'est établi, mais rien de tout ça n'est impossible. Par ailleurs, il est vrai qu'il y a pas mal de choses dans son évangile qui ne se trouvent que là, qui n'est pas chez les autres, et dont il y a lieu de penser qu'il les a, sinon inventées, beaucoup arrangées, enjolivées. La compagnie des auteurs sur France Culture et cet entretien d'Emmanuel Carrère à Patrick Cohen à l'occasion de la sortie de son livre Le Royaume. Alors si on en croit Emmanuel Carrère, Frédéric Boyer, quand on est romancier, c'est à Saint-Luc qu'on doit s'identifier le plus parmi les évangélistes parce que c'est lui le plus romancier de tous. Non, mais alors ce qui m'amuse, mais c'est ce qu'on dit tout à l'heure, c'est quand même il est très convaincu et il est presque prêt à croire qu'effectivement Luc a fait œuvre d'historien au sens contemporain, ce que tout le monde sait. Non, voilà, pas tout le monde. C'est pas vrai. Non, mais visiblement. D'abord parce que le rapport à l'histoire n'a rien à voir à l'époque avec le nôtre aujourd'hui, et que ce qu'on appelle historien, même ce que Luc appelle en disant j'ai fait œuvre d'histoire, c'est en référence à ce que la culture de l'époque de l'Antiquité appelait faire œuvre d'histoire. C'est pas tout à fait effectivement l'enquête historique scientifique que l'on a développée. Mais peu importe, ce qui est intéressant, c'est la façon dont quand même il s'inscrit en disant il est tout à fait plausible que Luc ait rencontré Jésus. Et donc c'est là où il reste un écrivain peut-être. Alors, il reste un écrivain parce qu'il est dans l'imagination et mais aussi quand même par rapport à sa problématique, c'est qu'il a quand même envie d'y croire. Voilà. Quelque chose par rapport justement aux Écritures, quand on a travaillé sur la Bible et donc sur l'Évangile de Marc, je me souviens de son étonnement, et je crois qu'il en parle je me souviens plus très bien dans Le Royaume, c'est quand l'exégète avec qui il travaillait lui a expliqué que l'Évangile de Marc, en ses débuts, se terminait sur la stupeur des femmes et l'effroi des femmes devant le tombeau vide. Il en parle, oui. Et qu'effectivement par la suite, mais ça rejoint cette histoire de Luc, c'est-à-dire que par la suite on a écrit une finale qui était une finale beaucoup plus catéchétique, où effectivement il y a l'envoi en mission des apôtres parce que l'évangile devait se terminer là-dessus. Voilà, et ça l'avait, et même il avait demandé, il avait dit est-ce qu'on peut s'arrêter là du coup. Voilà. Non, mais il faut expliquer aux auditeurs exactement de quoi il s'agit. C'est-à-dire que à la fin de cet évangile de Marc, donc il y a les trois femmes, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et une troisième, Salomé, qui donc le lendemain de la mort de Jésus viennent au tombeau pour la toilette mortuaire, et Marc écrit elles ne dirent rien à personne, elles avaient peur. Et ce seraient donc les derniers mots de Marc. C'est les derniers mots dans les plus anciennes versions de l'évangile de Marc. Et donc, Emmanuel Carrère vous a demandé que ça redevienne le cas dans la traduction chez Bayard, et vous avez refusé. On a refusé, non, on s'est posé la question. Après, on avait pris la décision de traduire les versions canoniques telles qu'elles ont été établies par le canon chrétien autour du 5e siècle, on n'allait pas réécrire le canon. Oui. Là, c'était un autre projet. Mais pourquoi ça l'intéressait tant cette phrase, parce que c'est magnifique, cette dernière phrase, parce que c'est magnifique effectivement, et on retrouve le romancier et le narrateur d'un point de vue de l'art de la narration. C'est une chute extraordinaire effectivement. C'est trois femmes qui ont peur devant le tombeau vide et qui ne disent rien. Effectivement. Non, mais parce que ça dit quelque chose de très important, et qui rejoint cette question d'enquête historique, etc. C'est C'est-à-dire que ces femmes, si l'évangile s'arrête là, on ne sait pas ce qu'il en est de la croyance, on ne sait pas ce qu'il en est de la foi. Voilà. On se termine sur la peur de l'absence et non pas sur croire que puisqu'il n'est pas là, donc ça veut dire qu'il est ailleurs. Oui, c'est toujours un peu angoissant à la fin, un livre d'Emmanuel Carrère. Merci beaucoup, Frédéric Boyer. Dans quelques instants, on va retrouver Alain Romestin pour continuer à parler du royaume d'Emmanuel Carrère et de son rapport à la foi. Je rappelle que votre dernier récit, Là où le cœur attend, a paru en septembre dernier aux éditions POL. Tout de suite, la chronique. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Chronique que nous propose aujourd'hui la critique littéraire, essayiste et romancière Aliette Armel. Bonjour Aliette. Bonjour. Tous les jeudis, nous proposons à un grand lecteur ou une grande lectrice de venir nous parler, évidemment, à la fois de l'auteur dont il est question toute la semaine et aussi d'une actualité de leur choix. Vous êtes, Aliette, une lectrice assidue d'Emmanuel Carrère, et cela depuis très longtemps. Oui, j'ai commencé avec sa biographie de Philippe K. Dick, « Je suis vivant et quasiment vous êtes au début, mort ». Voilà. Mais alors, surtout depuis l'Adversaire, je suis frappée par le caractère addictif de ces livres. Ce sont des livres que les lecteurs qui le suivent tournent les, dont les lecteurs qui le suivent tournent les pages avec une forme de compulsion. Ils ont envie de connaître la suite, alors qu'il n'y a pas d'intrigue à proprement parler, que pour Saint-Paul, on sait comment ça se termine, pour Limonov jusqu'en 2011, là aussi, et je ne parle pas de Jean-Claude Roman, dont on connaît l'histoire. Et je pense que la nature du « je », J-E, de cette première personne du singulier qui, depuis l'Adversaire, a pris le pouvoir sur la narration d'Emmanuel Carrère, ce « je » très spécifique est pour beaucoup dans l'élan que ressent le lecteur qui se laisse happer par le livre. Je crois en plus que la notion d'indécidable, celle qui donne son titre à notre émission, a à voir avec la spécificité de ce « je ». C'est un « je » indécidable au sens du théorème de Gödel qui est... Et non, cette notion d'indécidable. Alors, Frédéric Boyer a parlé... de mathématiques. Voilà, Frédéric Boyer a parlé de la position éthique indécidable de Frédéric Boyer et de ce jeu. D'Emmanuel Carrère. Pardon. Mais il a aussi une position éthique indécidable, Frédéric Boyer. On en est sûr. Mais c'est indéniablement le jeu d'Emmanuel Carrère qui est indécidable. Un Emmanuel Carrère qui se cherche en permanence dans sa relation aux autres et particulièrement dans sa relation aux autres J-E, qui peuple les livres. En particulier, il interroge le « je » vide de Jean-Claude Roman, mais on peut parler de celui d'Anna, l'interprète d'un roman russe qui est sauvagement assassiné. Il se structure en assemblant comme un puzzle des morceaux de vie très personnels qui résonnent toujours, comme on vient de le dire, d'autres vies que la sienne. Et qui suscite son émotion, sa fascination, son empathie, on est là-dedans, qui le mettent en mouvement et qui, par ricochet, entraîne le lecteur dans ce même mouvement. Alors, c'est un jeu ouvert sur l'autre et qui, d'une certaine manière, de ce fait, devient habitable par l'autre. Le déclencheur du livre, des livres d'Emmanuel Carrère, c'est toujours le moment où se noue ce lien entre une autre vie que la sienne et la sienne, par l'intermédiaire d'un jeu qui est le sien, mais qui interroge aussi celui de l'autre dans cette complexité permanente de toute vie, qui est aussi celle que nous démontre la science. C'est de cette complexité que ces livres rendent compte. Elle est arrachée au chaotique par une sorte de tour de force littéraire permanent qui est aussi le sujet du livre, mais c'est une vision du monde qui résonne d'un réel quantique, qui n'a plus rien de linéaire, d'une incertitude, telle que l'a défini Heisenberg, qui atteint jusqu'à l'identité même de l'individu, et d'une impossibilité à démontrer la nature même de son état, le fameux chat de Schrödinger, qui était en même temps vivant et mort. Je suis vivant, vous êtes mort, enfin bon, selon certaines expériences de pensée. Donc, c'est la nature, la littérature, alors un rôle fondamental à jouer dans ce monde par la nature de la vérité qu'elle permet d'atteindre par le jeu. Mais chez Emmanuel Carrère, ce n'est pas un jeu qui assène la vérité, mais juste qui donne son point de vue, qui dit « ça m'est arrivé à moi », la plupart du temps ça m'est arrivé face à lui, face à elle, et parfois ce « lui, elle » s'appelle Dieu. Et c'est vrai qu'au fond, ce qui rend addictif peut-être Aliette Armel, les romans d'Emmanuel Carrère, c'est qu'ils sont tous l'histoire d'Emmanuel Carrère, et on a envie de savoir la suite. C'est devenu le personnage central d'un espèce de long roman qui, depuis maintenant une quinzaine d'années, nous raconte finalement sa vie intérieure. Oui, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire, c'est sa vie intérieure telle qu'elle intègre celle des autres, qui est le moteur de ses livres et le point de départ de ses livres, est tel qu'il intègre aussi la complexité de notre monde, y compris le monde scientifique auquel il a fait référence en introduisant cette notion d'indécidable dans l'adversaire. Alors, l'actualité littéraire que vous avez choisie pour nous, c'est un livre qui s'appelle Le Temps gelé, recueil de chroniques sibériennes qui vient de paraître aux éditions Verdier, Aliette. Oui, alors ça c'est un clin d'œil pour Emmanuel Carrère, parce qu'effectivement, Mikhaïl Tarkovski, clin d'œil russe. Voilà, c'est le neveu d'Andrei Tarkovski, bon cinéaste auquel Emmanuel Carrère se réfère souvent, et aussi, et on connaissait le père d'Andrei Tarkovski, qui est le poète très réputé en son temps, Arseny. Donc on est dans la même famille. Et alors c'est quelqu'un qui a décidé à un moment de sa vie, qui était biologiste au départ, et qui avait beaucoup d'admiration pour sa grand-mère, et qui a décidé de partir sur les rives de l'Yénisseï, qui est un fleuve de Sibérie, et qui a décidé d'adopter la position de trappeur d'un côté, en abandonnant sa carrière de biologiste, et de l'autre côté, une position littéraire. Donc, il écrit des poèmes, il écrit de courts récits où on voit vivre les gens, et là encore, c'est des individus, c'est des personnes qui font vivre, des hommes et des femmes qui choisissent de vivre en symbiose avec la nature, avec leurs animaux domestiques, en suivant les lignes de trappe à la poursuite des iblines, dont la fourrure leur procure un revenu, en entretenant la convivialité autour de poissons fumés, mais aussi de beaucoup de bouteilles partagées. Et voilà, c'est cet univers que l'on découvre avec grand plaisir, et c'est un émerveillement de lire ce livre de Mikhaïl Tarkovski, voilà. Le Temps gelé. Chez Verdier. Merci beaucoup, Aliette Armel. À très bientôt. C'est la suite de la Compagnie des auteurs sur France Culture, toujours autour de la vie et de l'œuvre d'Emmanuel Carrère. Et nous parlons aujourd'hui de son rapport avec la religion, avec à présent Alain Romestin, professeur de littérature à l'université Paris Descartes, spécialiste de l'œuvre de Jean Giono et auteur d'un texte sur Emmanuel Carrère intitulé « Demeurer en l'indécidable », publié dans le volume collectif « Emmanuel Carrère, le point de vue de l'adversaire » aux presses Sorbonne Nouvelle en 2016. Et il est plus que temps, figurez-vous, d'écouter un extrait de ce livre dont nous parlons depuis le début de cette émission, « Le Royaume ». Il est lu, ce qui ne gâche rien, par l'auteur lui-même. J'ai parlé à Fabrice et Patrick du livre sur les premiers chrétiens auquel je travaillais depuis déjà plusieurs années. Je l'avais mis de côté pour m'occuper des revenants. Je venais de m'y remettre. Je leur ai raconté comme on raconte une série. Ça se passe à Corinthe, en Grèce, vers l'an 50 après Jésus-Christ. Mais personne, bien sûr, ne se doute alors qu'il vit après Jésus-Christ. Au début, on voit arriver un prédicateur itinérant qui ouvre un modeste atelier de tisserand. Sans bouger de derrière son métier, celui qu'on appellera plus tard Saint Paul file sa toile et de proche en proche l'étend sur toute la ville. Chauve, barbu, terrassé par de brusques attaques d'une maladie mystérieuse, il raconte d'une voix basse et insinuante l'histoire d'un prophète crucifié 20 ans plus tôt en Judée. Il dit que ce prophète est revenu d'entre les morts et que ce retour d'entre les morts est le signe avant-coureur de quelque chose d'énorme. Une mutation de l'humanité, à la fois radicale et invisible. La contagion opère. Les adeptes de l'étrange croyance qui se répand autour de Paul dans les bas-fonds de Corinthe en viennent bientôt à se voir eux-mêmes comme des mutants, camouflés en amis, en voisins, indétectables. Les yeux de Fabrice brillent. Racontés comme ça, on dirait du Dick. Le romancier de science-fiction Philippe K. Dick a été une référence majeure pendant notre travail d'écriture. Je sens mon public captivé, je renchéris. Oui, on dirait du Dick, et cette histoire des débuts du christianisme, c'est aussi la même chose que les revenants. Ce qu'on raconte dans Les Revenants, ce sont ces jours derniers qu'étaient persuadés de vivre les adeptes de Paul, où les morts se relèveront et où s'en consommera le jugement du monde. C'est la communauté de parias et d'élus qui se forme autour de cet événement sidérant, une résurrection. C'est l'histoire de quelque chose d'impossible et qui pourtant advient. Je m'excite, je me resserre verre sur verre, j'insiste pour resservir aussi mes hôtes. Et c'est alors que Patrick dit quelque chose d'au fond assez banal, mais qui me frappe, parce qu'on sent que ça lui est venu à l'esprit sans crier gare, qu'il n'y avait pas pensé, et que d'y penser l'étonne. Ce qu'il dit, c'est que c'est une chose étrange quand on y pense, que des gens normaux, intelligents, puissent croire à un truc aussi insensé que la religion chrétienne, un truc exactement du même genre que la mythologie grecque ou les contes de fées. Dans les temps anciens, admettons, les gens étaient crédules, la science n'existait pas. Mais aujourd'hui, un type qui aujourd'hui croirait à des histoires de dieux qui se transforment en cygnes pour séduire des mortels, ou à des princesses qui embrassent des crapauds, et quand elles les embrassent, ils deviennent des princes charmants, tout le monde dirait « il est fou ». Bonjour Alain Romestin. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors dans Le Royaume, dont on vient d'entendre un extrait, Carrère fait lui-même le lien entre la thématique du livre et la série Les Revenants, sur laquelle il a travaillé avant de quitter l'équipe d'écriture, justement à peu près à cette période qu'il raconte. C'est une série, Les Revenants, qui est hantée par le thème du passage, et vous avez justement travaillé sur cette notion du passage chez Emmanuel Carrère. Oui, c'est ça. En fait, je suis parti d'abord d'une réflexion sur la transgression dans un autre article sur l'adversaire, et, pour m'apercevoir que c'était pas tellement la transgression au sens où, par exemple, de chez Bataille, où l'intérêt c'est la transgression. Ce dont on s'aperçoit vite quand on lit Carrère, c'est qu'il pose des barrières pour vite vérifier qu'elles ne sont pas très solides. Et c'est le passage qui va compter, mais ce qui est intéressant dans Le Royaume, c'est que le passage devient vertigineux, c'est-à-dire que là, il prend la conversion dans un sens de tourniquet, c'est-à-dire que ça tourne dans tous les sens, il ne s'agit pas juste de se convertir, mais après, il va y avoir une autre conversion, puis une autre conversion, et ce qui lui plaît, c'est ça, c'est cette espèce de passage incessant, et par conséquent, de difficulté pour se situer dans ces différents passages. Donc c'est toute son œuvre qui, dites-vous, est hantée par cette thématique. Il y a le passage... Au moins à partir de l'adversaire. Et même peut-être avant, puisque dans La Moustache, déjà, il y a un passage qui est une sorte de passage subi. On pousse le personnage vers un lieu où il ne souhaite pas aller. Oui. Et puis dans sa biographie de Kadig, parce qu'elle est très importante aussi, même pour la réflexion sur la conversion, puisque Kadig se convertit à la fin de sa vie, et c'est une conversion un peu bizarre, à peu près aussi bizarre que celle de Carrère, c'est-à-dire qu'en tout cas Carrère en parle de cette façon-là, et on saura jamais. Enfin, c'est difficile aussi de savoir ce qui se passe pour Kadig. Est-ce que il a pris trop de LSD? Est-ce que il est devenu fou? Est-ce qu'il est paranoïaque? Ou est-ce qu'il a vraiment affaire à Dieu? C'est un peu comme roman aussi, à la fin du roman de l'adversaire. Donc c'est une conversion qui n'est pas pure, de la même manière qu'Emmanuel Carrère considère aujourd'hui que sa période mystique n'était finalement pas pure non plus, qu'elle était finalement due à des raisons davantage psychologiques qu'à une foi véritable. Oui, c'est ça. Enfin, je pense qu'il a. Enfin, c'est important de repérer qu'il y a de vraies conversions et de vrais croyants et pour lui, parce que ça fait des repères. Et lui se situe toujours dans une sorte de. Ben justement, lui, c'est pas tout à fait ça. Lui, c'est pas tout à fait vrai. Lui, c'est pas tout à fait faux. Et c'est bien là qu'il se situe, dans cette espèce de terrain mouvant. Donc, c'est un rapport à une pureté qu'on n'atteindra jamais, finalement. Je sais même pas s'il a vraiment envie de l'atteindre, cette pureté, parce que il raconte justement à la fin du royaume que il a plus du tout envie de, par exemple, la fameuse scène de l'arche, qui est très touchante, qui a d'ailleurs beaucoup touché. Vous pouvez nous la raconter? Oui, il était en train de terminer la rédaction du royaume, et puis l'une de ses lectrices lui a proposé de participer à une cérémonie qu'on fait dans une association chrétienne, qui s'appelle l'Arche, et qui consiste à se laver les pieds réciproquement, de façon à appliquer à la lettre ce qui serait un vrai christianisme, c'est-à-dire on n'est pas dans le sublime, on est dans la compréhension de l'autre et l'acceptation de l'autre dans ce qu'il a de plus profane, de plus d'inacceptable. Et il y va un peu en traînant les pieds. Là aussi, il est, oui, si j'ose dire. Là aussi, il a toujours son fameux, sa barrière à lui qui est d'être intelligent et donc d'être ironique. Mm-hmm. Et donc, il n'entre pas dans la cérémonie jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'une des membres de cette cérémonie, qui est une jeune trisomique, se mettent à danser et à l'inviter à danser. Et là, il est submergé par quelque chose qu'il ne sait pas définir. Mmh. Et à ce moment-là, justement, il se dit, pourvu que je ne me convertisse pas, que la foi ne revienne pas. Enfin, il y a cette idée-là. Donc, il est à la fois très, très... Enfin, quand il le raconte, il est à la fois très ému. Il explose. Enfin, c'est vraiment pour lui quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la vérité du christianisme qui se passe là et qu'il partage. Et en même temps, à ce moment-là, il dit quand même oui, j'espère que je vais pas ressombrer. Ouais, ressombrer, ouais, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Et quand vous parlez de cette intelligence qui semble l'isoler des autres, c'est peut-être aussi un passage, ça. C'est peut-être un seuil impossible à franchir, oui, d'aller c'est... réellement vers l'autre. Ben ça, il le dit très bien. Enfin, ça, il explique à un moment donné que il est un intelligent, un riche, un anti. Et que à cause de ça, il pourra pas le royaume des cieux lui est interdit. Qu'il faudrait qu'il accepte. Enfin, la phrase, il raconte souvent que dans le christianisme, chacun a une phrase qui va le frapper, et la phrase qui le frappe lui, c'est de s'abandonner en fait, d'être, je sais plus quelle est la citation exacte, mais d'être pris par Dieu et que Dieu l'emmène là où il n'a pas envie d'aller. Mmh. Et lui, qui est toujours en train d'être dans la maîtrise, face à un obsessionnel, est toujours en train de calculer, il essaie de décider de sa vie, il a aussi très envie d'être débordé, d'être emmené, d'être emporté, et donc d'être plus cette intelligence, cet homme qui est dans la maîtrise et qui était en haut, mais quelqu'un qui est entraîné par plus que lui-même. Et donc, il est sans cesse partagé entre cette envie et cette peur, en fait. Il est toujours entre effroi et... Et envie. Ouais. Alors, cette idée de la thématique constante du passage de l'autre côté, vous l'analysez aussi dans L'Adversaire, avec Jean-Claude Roman, l'homme qui a tué toute sa famille, hein, femme, enfant, parents. C'est un passage de l'autre côté qui est quand même assez périlleux. Comment est-ce que vous l'analysez ? Ben, c'est assez frappant quand on le voit, parce qu'on a l'impression qu'il a fait un livre sur l'adversaire, donc étymologiquement, en effet, celui qui est en face. Et donc là, c'est Satan qui est en face. Alors, même si c'est plus compliqué que ça, c'est pas Roman qui est Satan. Roman lui-même a l'adversaire en lui-même. Mais il y a une réflexion sur être face au mal et avoir peur de basculer du côté du mal. Et puis le royaume, c'est une réflexion sur basculer du côté de Dieu. Donc il s'agit de la même idée de transgression et de bascule, mais on s'aperçoit vite que ce qui semble l'intéresser, c'est justement la bascule. Mmh. À la limite, enfin, il est très contradictoire sur Roman, c'est-à-dire que il a à la fois peur de passer de l'autre côté, puis il dit qu'il est de l'autre côté. De toute façon, il explique qu'on ne peut pas passer de l'autre côté, c'est un grand trou noir. Donc c'est toujours là aussi indécidable, hein, et c'est là qu'il se positionne, dans cette espèce de terrain instable. Et en fait, on retrouve le même dispositif dans le royaume. C'est-à-dire que là aussi, il est fasciné par la conversion. La manière dont il raconte la conversion de Saint-Paul est assez extraordinaire. Enfin, en même temps, elle est racontée comme un thème de science-fiction. On peut en dire un mot, peut-être? Il file la métaphore du début des Revenants. Hein. C'est-à-dire que le lien avec le fantastique, même la science-fiction, est assez fort. Mais quand il raconte cette conversion, c'est Saint Paul qui est mis à bas de son cheval, une grande lumière lui parle, il n'a plus aucune force, il se retrouve dans une maison où des gens viennent lui parler, c'est absolument incompréhensible, et on ne sait pas si c'est les anges ou des extraterrestres ou des mutants, comme il dit, hein, souvent, qui viennent le voir. Donc il montre que ce passage là le fascine, et en même temps il le décrit avec une grande distance par rapport au christianisme, puisque il fait appel au thème de la science-fiction. Alors dans le royaume, vous expliquez qu'il y a des conversions qui sont des conversions multiples. On n'arrête pas de se convertir, on n'est jamais sur un terrain stable. Ouais. Et ça, c'est très angoissant, parce que il n'y a aucun endroit, finalement, même si on fait l'effort d'embrasser mettons, une religion, une fois qu'on y est, on n'y est pas encore, c'est ça l'idée? Oui, aucun repos. Et puis c'est vraiment frappant quand il, dans les papiers qu'il retrouve, là, et, enfin, la mise en scène de la manière dont il retrouve ses papiers est assez extraordinaire, mais au moment même où il se convertit... Les papiers, c'est-à-dire ce qu'il écrivait quand il était dans sa phase période mystique, chrétienne, comme il dit, ouais. Où il a analysé pendant plusieurs mois des passages de l'Évangile. Tous les matins, il lisait un peu de l'Évangile. Et puis, selon saint Jean, là, cette fois-ci. Selon saint Jean. Ça, il a fait les trois, sauf celui de saint Matthieu. Et il notait ses pensées à ce sujet, ses réflexions. Oui, et dans ces pensées-là, c'est à la fois émouvant, drôle, un peu désobligeant pour lui-même. Et le moment même où il est converti, il ouvre un dossier où, qui s'appellera Le point de vue de l'adversaire, d'ailleurs, où le but, ça sera de s'adresser à celui qu'il va devenir plus tard, et qui ne sera plus converti, parce qu'il a la conscience que cette autre carrière de 20 ans plus tard aura une position de supériorité, il sera convaincu de sa supériorité, c'est-à-dire que lui-même, converti, considère celui qu'il n'était pas avant d'être converti et celui qu'il va devenir si jamais il n'est plus converti. Donc là, il y a vraiment une c'est pas du tout vertigine. Ah non, c'est pas un auteur reposant. mais c'est dans ça qu'il est fascinant parce que c'est de là que vient peut-être cette jubilation de la narration parce que il se passe toujours quelque chose là où l'homme moyen penserait que les choses sont établies. Lui, oui. Rien n'est jamais établi. C'est un peu ce qu'il dit d'ailleurs, cette idée qu'il y a des hommes qui vivent sans se poser a priori la question de savoir pourquoi ils vivent, et puis d'autres personnes qui au contraire ne font que se poser cette question, et visiblement il fait partie de cette deuxième catégorie. Mais certains le font plus calmement, comme son ami là, dont il parle de façon émouvante, grand ami de Hervé, oui. Hervé, oui, qui était le filleul, un autre filleul de sa marraine Jacqueline, qui est aussi une personne mystique et qui les a tous les deux fait se rencontrer, puis qui les a tous les deux introduits finalement à une pratique de la foi. C'est ça. Et tous deux donc font partie de cette espèce de qui n'est jamais satisfaite de ce qu'elle a, qui a besoin d'absolu, qui ne peut pas se contenter de la réalité telle qu'elle est. Mais Hervé, c'est celui qu'il fait avec une sorte de si ce n'est de flegme, en tout cas de sérénité, contrairement à Carrère qui se décrit toujours comme un agité. Enfin, c'est assez drôle quand même. Enfin, on ne parle pas assez de la drôlerie de Carrère. Il y a quand même des scènes qui sont justement à propos de passage. La fameuse scène de la procure. Oui. Quand il se décrit au moment la même. La procure est une librairie catholique donc chrétienne. Voilà, tout ce qu'il y a de plus recommandable pour lui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il va là et il y va pour acheter. Des ouvrages sur le milieu johannique, il échange des regards avec des prêtres qui sont là, etc. Donc il est très content, tout va bien. Le problème, raconte-t-il, c'est que une fois qu'il a acheté ses ouvrages, il est obligé pour aller à la caisse de passer par une salle où sont exhibés, on pourrait dire pour lui, les dernières parutions littéraires et donc ses confrères qui ont du succès alors que lui il est dans une panne littéraire et il décrit ça comme à la fois comme quelque chose de très burlesque, c'est-à-dire littéralement burlesque, puis on a l'impression qu'il doit traverser un ravin immense. D'ailleurs, lui, il dit que c'est comme un séminariste qui passe devant un magasin pornographique. Enfin, et puis, il finit par céder à la tentation. Il commence à lire les ouvrages de ses collègues, donc de littérature profane. Et il sombre dans un enfer qui est à la fois risible et en même temps son enfer, et donc à prendre au sérieux. Et c'est ça. Enfin, c'est toujours assez drôle, beaucoup de dérision, et en même temps, c'est pas du non-sens. C'est-à-dire qu'il y a toujours suffisamment de sérieux pour que quelque chose accroche, pour qu'on consente de la souffrance et de la tragédie, et de la difficulté. C'est pas juste pour amuser la galerie. Donc, il est toujours dans la synthèse des points de vue. C'est comme si il était dans la tête de différentes personnes et qu'il regardait la réalité. Alors, du point de vue du converti, du point de vue de l'agnostique, du point de vue du repenti, du point de vue de l'indifférent, mais tout cela en même temps, Alain Robinstein, on terminera sur un commentaire là-dessus. Oui. En même temps, ou en tout cas successivement, parce que c'est peut-être aussi pour ça que la narration est intéressante, c'est-à-dire que c'est un peu l'aventure, c'est-à-dire quel va être le prochain point de vue. Et sa difficulté à lui, c'est de trouver la distance par rapport à ça, je pense. Mmh. Merci beaucoup Alain Romestin d'être venu nous parler de cette notion de seuil et de passage chez Emmanuel Carrère. Je rappelle que vous avez dirigé le colloque Emmanuel Carrère, le point de vue de l'adversaire, dont les actes sont parus en 2016 aux presses Sorbonne Nouvelle. Vous avez également édité avec Alain Schaffner des histoires naturelles des animaux. C'est un livre qui présente une série de contributions sur la place des animaux dans la littérature française depuis 1900. C'est également aux presses Sorbonne Nouvelle. Tout de suite, c'est la poésie avec Jacques Bonnafé. Bonjour, bonjour à tous. L'ardeur encore, l'ardeur remords, avec une dédicace à Sonia Branglidor. S'il y a une poésie pleine de fougue et d'ardeur, il y a dans ce qui compose chaque printemps des poètes, des militantes, militants inlassables qui transmettent et sauvent des vies, recueillent des ados perdus, les jettent sur les chemins de la beauté. La rage de l'expression, à la rage de vivre, Sonia Branglidor. Et cette femme, parmi d'autres qui vivent la poésie en action, elle emmène ses escouades d'élèves et d'étudiants dans les bars, sur les places publiques. Sonia, cette femme, c'est un poème. Ardeur de l'atome, ardeur du cercle, ardeur du nombre, ardeur du cosmos, ardeur de l'univers, ardeur des humains à apprivoiser l'infini, ardeur du poète à faire danser les mots, l'ardance avec ardeur, l'ardance, ardent, enflammé, brûlant, embrasé, incandescent, torride, flamboyant, éclatant, brillant, impétueux, exalté, fougueux, acharné, farouche, fervent, violent, enthousiaste, impatient, passionné, volcanique, tout feu, feu sacré, tout flamme, ardeur, force, double tranchant, véhémence, acharnement, vivacité, désir, énergie, chapelle ardente, chambre ardente, torches ardentes, fers ardents, lutte ardente qui arde les flancs du poète, il doit traverser sa saison en enfer pour s'armer d'une ardente patience, consommation accomplie, assumée, il laisse à notre embrasement ses cendres infiniment fertiles. C'est un poème de Sonia Branglidor, à qui nous dédicassons « Pour ne pas mourir », poème de Patrick Dubost dans l'anthologie « L'ardeur ». Patrick Dubost est un poète lyonnais. 1. J'écris pour ne pas mourir. 2. Je regarde le monde chaque année avec un peu plus de douceur pour ne pas mourir. 3. Détruire tous les éclairages publics afin d'aimer en paix sous une juste lumière et pour ne pas mourir. 4. Bazarder systématiquement les souvenirs, s'attacher au présent jusqu'à l'impossible, ne plus respirer, ne plus vivre pour ne pas mourir. 5. Faire l'amour dans une crypte, ne serait-ce qu'une fois pour ne pas mourir. 10. On se coiffe tous les matins pour ne pas mourir. 11. Rester invisible pour ne pas mourir, ou au contraire, s'inscrire profondément dans la lumière pour ne pas mourir. 12. S'asseoir au bord d'un étang sous les trembles avec son matériel de pêche et ne plus bouger, ne rien pêcher pour ne pas mourir. 13. Collectionner les rêves pour ne pas mourir, les coucous démantelés, les horloges démantibulées, les clochers abattus pour ne pas mourir. 14. Toute phrase contient le peu d'énergie qu'il faut pour ne pas mourir. 16. Applaudir en silence pour ne pas mourir. 17. Stylo planté dans les yeux pour ne pas mourir. 19. Quand un bilboquet tombe d'une étagère bousculé par un chat, c'est pour ne pas mourir. 21. Veilleurs endormis pour ne pas mourir. 22. Coudre toute une vie un linceul de lumière, d'espace et de temps pour ne pas mourir. 23. Sortir la nuit avec la princesse des mille et une nuits pour ne pas mourir. 24. Nous vivons en équilibre, perchés sur le mât d'un navire échoué pour ne pas mourir. 25. Poésie, un pendentif pour ne pas mourir. Merci Jacques Bonnafé, vous consacrez votre semaine à la thématique de l'ardeur. Aujourd'hui, vous nous avez lu des vers de Patrick Dubost.